Mireille Kanyang. Merci de nous rester fidèles. Madame, Monsieur, bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici le sommaire. Le ministère de l'Intérieur appelle les gouverneurs de province et le maire de la ville de Bujumbura à prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de faire respecter les prix des produits alimentaires récemment fixés par le ministère du Commerce. Dans cette édition, on revient sur les conditions de vie très difficiles face à la montée des prix de différents produits. On se rendra en zone urbaine de Buterere. À la une dans les médias burundais ce lundi, c'est cette levée de suspension du journal Yaga, décidée par le Conseil national de la communication CNC, en marge de l'Assemblée plénière extraordinaire. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Alphonse Koubguiman. Bienvenue encore une fois. Certains habitants de la zone Buterere, en commune urbaine de Ntahangwa, disent être préoccupés par les conditions de vie difficiles suite à la flambée des prix des produits de première nécessité. Ceux qui se sont entretenus avec la radio Isanganiro ce lundi se lamentent, disant qu'un budget variant entre 10 et 15 000 francs burundais par jour qu'ils utilisent, alors que les recettes quotidiennes ne le permettent pas. Ces habitants demandent au gouvernement de revoir la régulation des prix, une information que nous devons à Ariela Nshimirimana. Et dans cette édition, on revient sur ces grognes des habitants du centre de négoce Wukanya, en commune Kabarore de la province Kayanze. Ils disent trouver difficilement les produits de la Braroudi, déplorant en outre le comportement des vendeurs de ces produits qui, une fois approvisionnés, les cachent pour les revendre à des prix exorbitants. L'administrateur communal de Kabarore promet de prendre la question en main. Le point avec Patrick Nsengiyumva. Le centre de négoce de Wukanya en commune Kabarore se trouve à 20 km de la ville de Kayanza. Les habitants de Wukanya grognent qu'ils ne trouvent pas facilement des produits fabriqués par la Braroudi. Les consommateurs de ces produits affirment que quand les commerçants sont approvisionnés en ces produits, ils vendent une partie de ces boissons et cachent une autre partie pour vendre ces boissons à un prix qui n'est pas officiel. Les habitants du centre Wukanya déplorent que même l'Amstel Bright récemment fabriqué par la Braroudi ne soit pas disponible fréquemment à ce centre. Certains des consommateurs des boissons fabriquées par la Braroudi à Kabarore s'inquiètent que l'impraticabilité des routes de cette commune serait à l'origine de la pénurie des boissons en cette localité. Les habitants du centre Wukanya demandent à l'administration communale d'intervenir pour que le problème de la pénurie des boissons de la Braroudi trouve solution. Au niveau de l'administration communale de Kabarore, l'on fait savoir que le problème du manque des boissons en cette commune est connu. Saguyeber Kimas, administrateur communal Kabarore, demande aux tenants des cabarets qu'en cas d'approvisionnement en ces produits, de respecter les prix officiels, sinon d'après cette autorité administrative et communale Kabarole, les sanctions sévères sont réservées aux commerçants spéculateurs qui ne respectent pas les prix officiels sur les boissons fabriquées par la Braroudi. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Et l'association burundaise des consommateurs à Buko dit ne pas savoir les principales causes de la rareté des produits Braroudi et qui, une fois disponibles, sont vendus à des prix exorbitants, selon le secrétaire général et porte-parole de cette organisation. Noël Nkurunziza indique que la situation a été empirée après la sortie d'un nouveau produit des Amstel Bright, celle-ci étant venue concurrencer le prix de l'ancienne Amstel Beer de 65 centilitres, dit-il. Il demande aux organes compétents de lutter contre les spéculation sur les prix des produits Braroudi. Suivez-le au micro d'Evariste Nzikobanyang. Cette situation a perduré et constaté que dans tel quartier, on a livré telle quantité, dans tel autre, on a livré telle catégorie. Ça tarde toujours à être harmonisé. La situation vient d'être empirée de plus par la production de la Amstel Bright. Et c'est un Amstel qui est sorti dans le grand silence de la Braroudi. Les consommateurs n'ont pas été informés de l'objectif de la production de cette qualité de bière. C'est le venin remplacé, l'ancienne, qui finalement s'est raréfié de plus. Donc au niveau de la Buko, on attend toujours à ce que la Braroudi puisse communiquer pourquoi cette nouvelle bouteille Bright, cette nouvelle boisson, si c'est la nouvelle Bright qui est produite et qui finalement apparemment a voulu remplacer l'ancienne, la Amstel Bia. Alors, nous marquons sporadiquement qu'il y a quelque part dans certains bistrots où on vend l'ancienne Amstel, l'Amstel Bia, mais cette Amstel est vendue au prix très exorbitant. Et nous regrettons cette situation parce que d'abord la nouvelle atmosphère qui est sortie est vendue à des prix qui n'étaient pas légèrement supérieurs, sinon supérieurs au prix pratiqué sur la Mousseline Bia. Mais aussi, c'est que apparemment ce produit a remplacé la Mousseline Bia. Et dans des occasions, vous pouvez rencontrer la Mousseline Bia, elle est vendue à un prix qui n'est pas officiel. Au niveau de la boucle, on s'étonne d'abord, c'est commerçant. Si jamais le prix n'a pas été augmenté, il n'a pas encore été augmenté, pourquoi ils vendent à plus cher alors qu'ils l'ont eu au prix normal? Et à l'ensemble des consommateurs, au niveau de la boucle, on se dit pourquoi ils acceptent d'acheter à plus cher sans qu'il y ait des raisons. Nous savons, et là vraiment il faut qu'on le dise, le fait qu'ils ont acheté des licences qui leur permettent d'augmenter les prix. Il y en a qui se cachent derrière cette réglementation pour lancer les prix à leur guise. Et finalement, où est-ce qu'on va trouver quelqu'un qui vend au prix normal? Et c'est là, je pense qu'il faut que l'administration, depuis Nyumbakumi jusqu'au haut niveau, qui puisse analyser cette situation qui peut être à l'origine d'un désordre sur le marché de biens et services. Et dans une correspondance du ministère burundais de l'Intérieur de ce lundi 14 avril à l'endroit des gouverneurs de province et maires de la ville de Bujumbura, le ministre Martin Niteretse leur demande de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de faire respecter les prix fixés par ordonnance du ministre du Commerce en date du 27 mars de cette année, ordonnance fixant le barème des prix des produits alimentaires. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Poursuivons cette édition par cette page média. Yaga Burundi est depuis ce lundi autorisé à fonctionner. Ainsi en a décidé le Conseil national de la communication CNC qui avait suspendu temporairement cet organe de presse le 27 mars de cette année. Et pour cause, l'organe régulateur des médias avait indiqué que le document lié à l'agrément de l'association Mirage Boudi déposé au Conseil en 2022 n'était pas reconnu par le ministère de l'Intérieur à travers le communiqué. De ce lundi, ambassadeur Espérance Ndaïdze, présidente du CNC, a indiqué qu'une enquête menée a prouvé que la Jeboudi a tous les documents lui permettant d'exercer ses activités. On l'écoute. L'Assemblée plénière ordinaire de 26 et 27 mars 2025 avait suspendu temporairement le magazine Yaga Burundi. Et pour cause, le ministère de l'Intérieur et du Développement communautaire et de la Sécurité publique n'avait pas pu trouver dans ses archives le document attestant la légalité de la Jeboudi, propriétaire de ce journal. Ainsi, dans sa lettre du 11 avril 2025, au Conseil national de la communication, le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique a confirmé l'existence légale de l'association à Djibouti, ce qui a poussé le Conseil à se réunir d'urgence en assemblée plénière extraordinaire. Après analyse du développement du dossier de Yaga Burundi, le Conseil réuni en assemblée plénière extraordinaire du 14 avril 2025, après analyse du développement du dossier Yaga, le Conseil national de la communication réuni en assemblée plénière extraordinaire du 14 avril 2025 a décidé de lever définitivement la mesure de suspension du magazine Yaga Burundi. Le CNC saisit cette occasion pour saluer la patience des responsables du magazine Yaga Burundi et invite ce magazine à se joindre aux autres médias à contribuer au développement du Burundi. Ambassadeur Espérance Ndaïdze est présidente du Conseil national de la communication. Cette décision du CNC a été annoncée en marge de l'Assemblée plénière extraordinaire de ce lundi. Le document preuve de leur agrément a été trouvé dans le classeur du Centre d'études et de documentation juridique, un document pourtant absent dans le registre des ordonnances de novembre 2019 du ministère de la Justice, écrit Yaga. Et les habitants de la colline Mharambo 1 en commune et zone Rugombo de la province Cibitoke saluent le raccordement de la localité en eau potable depuis mai 2024, de même que les élèves de l'école fondamentale de Nyakagunda. Il sera juste que cela leur permet de se protéger contre les maladies liées au manque d'hygiène. C'est grâce à l'organisation Action intégrée pour le développement et la protection de l'environnement et en partenariat avec le Fonds onusien pour l'enfance UNICEF. Auparavant, ses habitants utilisaient l'eau de la rivière Nyakagunda. Les détails avec Clovis Nyonguru. La question d'accès à l'eau potable était auparavant une préoccupation majeure pour les habitants de Rugombo. Trouvé au robinet à Kimanadone Cole 14 ans, qui étudie en quatrième année d'école fondamentale, dit que la situation n'était pas facile avant le raccordement en eau potable opéré par l'action intégrée pour le développement et la protection de l'environnement aide en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Auparavant, nous faisions recours à l'eau de la rivière Nyakagunda et nous y allions à pied. Aujourd'hui, la situation est bonne parce que nous avons de l'eau potable tout près de chez nous. Donc, ça nous aide à lutter contre les maladies liées aux mains sales. Cette autre élève de la 6e année à l'école fondamentale de Nyakagunda affirme qu'il est désormais facile de lutter contre les maladies des mains sales grâce à l'eau potable et de bonnes latrines. De retour de latrine, nous nous lavons avec de l'eau propre et du savon. C'est grâce à l'organisation aide qui en a assuré l'approvisionnement et la construction des latrines adéquates à notre établissement. Abbas Sanzurugeze, directeur de cette école qui compte 912 élèves, affirme qu'il n'a plus d'inquiétude d'être attaqué par des maladies liées au manque d'hygiène. Aide et UNICEF nous a construit au moins deux blocs de latrines. Donc un bloc qui comprend 5 latrines pour les filles et l'autre bloc qui comprend aussi 5 latrines pour les garçons. Pour chaque bloc, il y a une latrine destinée aux élèves ayant un handicap physique. C'est un grand travail. Donc, à remercier pour qu'un enfant étudie sérieusement, il faut qu'il doit avoir une bonne santé. L'action qui a été faite par ces deux organisations nous a permis de lutter contre certaines maladies. Par exemple, il y a le choléra, il y a aussi la dysenterie, ainsi que d'autres maladies. Certains habitants de cette colline éprouvent un sentiment de satisfaction tout en rappelant qu'auparavant, ils puisaient l'eau de la rivière Nyakagunda. Auparavant, nous étions préoccupés par le manque d'eau potable. Franchement, nous saluons ces initiatives de l'aide en partenariat avec UNICEF. Nous utilisions de l'eau de la rivière Nyakagunda. Un bidon d'eau potable de 20 litres coûtait 500 francs. Antérieurement, nous n'avions pas d'eau potable sur cette avenue, mais grâce à cette organisation aide, nous utilisons de l'eau propre. Il fallait d'abord bouillir de l'eau pour nous prévenir des maladies comme le choléra et bien d'autres. Deïs Manirakiza, chef de cette colline, de la population, se compte entre 29 et 30 000, appelle ses administrés à entretenir l'eau potable qui leur a été fournie. Nous remercions l'action intégrée pour le développement et la protection de l'environnement aide de nous avoir fourni de l'eau propre. Ils nous ont aussi offert des kits, à savoir les seaux, bidons et savons, pour que les citoyens puissent se prévenir contre toutes ces maladies. Nous lançons un appel aux citoyens de bien entretenir cette eau qui leur a été fournie et qu'ils sachent que ça appartient à eux-mêmes et non à la régie communale. Hatungimana Jean Chrysostome, superviseur au sein de l'aide, indique que l'organisation sensibilise la population sur la prévention des maladies liées au manque d'hygiène. En outre, les agents communautaires ont été formés pour aller sensibiliser à leur tour la population sur la prévention des maladies liées au manque d'hygiène. C'est une bonne action qui mérite de remercier à l'UNICEF, aide, administration et citoyens. Nous les appelons à bien entretenir ces robinets et latrines pour prévenir davantage toutes ces maladies liées au manque d'hygiène. Selon des informations fournies par l'aide, avec le raccordement en eau potable et la mise en place de latrines en mai 2024, aucune maladie des mains sales n'a jusqu'ici été signalée à Rugombo, alors qu'auparavant, une année ne pouvait pas s'écouler sans enregistrer en cas de choléra. De la commune Rugombo en province de Cibitoki, rendons-nous cette fois, c'est en commune Kabezi de la province de Bujumbura où les habitants se réjouissent des travaux réalisés par la commune dans le cadre du plan communal de développement communautaire, notamment la construction des hôpitaux, des écoles et routes. L'administrateur de cette commune fait savoir qu'ils ont mis en avant ces projets du fait qu'ils sont prioritaires pour la population. Espérance Abonimana indique que les taxes communales ont baissé suite au changement climatique, ce qui freine l'exécution de ces projets. Le point avec Jean-Marie Vianney Ngendakoumana. Ces habitants de la commune Kabedzi indiquent qu'ils ont bien accueilli les projets en cours de réalisation dans le cadre du plan national de développement communautaire. Ils énumèrent notamment l'addiction d'eau potable, le raccordement du courant électrique ainsi que la construction des routes et des hôpitaux. Notre commune est en train de construire des écoles et des hôpitaux aux collines Gitenga et Masama. Elle a également construit les marchés de Mumigera et Rugembe. Ils ont distribué l'eau potable et l'électricité en quantité suffisante et pour le moment, ils sont en train de construire les routes dans les différents endroits. Ces derniers demandent aux autorités administratives d'exécuter ces projets dans toutes les collines de la commune Kabedzi et veiller à leur durabilité. Espérance Habonimana, administrateur de la commune Kabedzi, indique qu'au sein de l'administration, ils ont d'abord consulté la population pour qu'elle puisse donner leur avis sur les projets prioritaires à réaliser. Dans la commune Kabedzi, avant de mettre en œuvre ce projet, au sein de l'administration, nous avons d'abord consulté la population pour qu'elle puisse donner leur avis sur le projet prioritaire à réaliser. Ses habitants ont déploré l'insuffisance des écoles et cela nous a poussé à construire 3 classes dans la colline Rugembe où les travaux se trouvent pour le moment à une étape satisfaisante. À côté de cela, on a distribué l'eau potable dans les zones Mubone et Randa dans les collines Rugembe et Kimina. Nous avons également réhabilité l'hôpital district Kabedzi qui relie les 3 communes à savoir Mutambu, Kanyosha et Kabedzi. Cette autorité déplore que les taxes communaux qui ont été revues à la baisse suite au changement climatique et les exploitants des carrières qui ne reçoivent pas de clients à cause de la pénurie du carburant constituent un problème financier dans l'exécution de ces projets. Espérance Habonimana fait savoir qu'avant cette situation, la commune Kabedzi recevait annuellement 480 millions en provenance des impôts et taxes. Et pour clore cette édition, dans la suite de la lecture des dispositions de la loi portant à réorganisation de l'administration communale du 7 juin 2024, nous revenons aujourd'hui sur le fonctionnement et les attributions du conseil communal. Selon cette loi, quand il se réunit, le conseil communal approuve, oriente, supervise et contrôle les affaires de la commune. Le point avec Stella Ndayishimiye. Comme le prévoit cette loi, l'article 27 stipule que le conseil communal approuve, oriente, supervise et contrôle les affaires de la commune. Il exerce notamment les attributions suivantes. Élire le candidat à la fonction d'administrateur communal. Proposer la suspension de l'administrateur communal au gouverneur de province qui à son tour saisit le ministre ayant l'administration du territoire dans ses attributions pour une raison valable telle que la corruption, l'incompétence ou le détournement des fonds. Analyser et approuver le budget préparé par l'administrateur communal. Les comptes administratifs de gestion, valider le programme de développement communautaire, en contrôler l'exécution et en assurer l'évaluation, ainsi qu'approuver le plan communal de recrutement du personnel. Le gouverneur de province ou son délégué peut assister aux séances du conseil communal sans voix délibérative et il est entendu chaque fois qu'il le demande, comme le prévoit l'article 31 de la même loi. L'article 25 dispose que le conseil communal se réunit une fois par trimestre en session ordinaire et autant de fois que de besoin en session extraordinaire. Le conseil communal se réunit sur convocation de son président ou par le vice-président en cas d'empêchement du président sur initiative ou à la demande d'un tiers de ses membres ou de l'autorité de tutelle. Dans les 2 derniers cas, le président est tenu de convoquer le conseil communal dans un délai n'excédant pas 8 jours à dater de la réception de la demande comme le prévoit l'article 26. Comme le prévoit l'article 31, le gouverneur de province ou son délégué peut assister aux séances de conseil communal sans voix délibérative. Il est entendu à chaque fois qu'il le demande. Quant à l'article 33, les procès-verbaux des réunions et décisions du conseil communal sont adressés dans les 15 jours par le président du conseil communal au gouverneur de province et l'administrateur communal en reçoit également une copie. Ainsi se referme cette édition. Merci Madame, Monsieur de l'avoir suivi. Merci également à Alphonse Kougimana qui a assuré la mise en onde. Très bonne suite de nos programmes.